Section 21 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johan. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Formation des grands États. 1270-1492, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 5, deuxième partie. Les connaissances scientifiques, par Paul Tannery. Défaut d'une conception exacte de la science. Au XVe siècle, l'humanisme, en grandissant, élargit singulièrement, comme on a pu le voir, le cercle étroit à l'intérieur duquel l'activité intellectuelle était restée emprisonnée pendant le Moyen-Âge. Pour les sciences, les progrès parallèles furent loin d'avoir la même importance. La Grèce antique avait créé la science théorétique, telle que nous la concevons aujourd'hui. Elle en avait laissé, au moins pour les mathématiques, d'admirables modèles que les Byzantins conservèrent, que les Arabes connurent et cherchèrent à imiter. Mais ces œuvres capitales restèrent, jusqu'au XVIe siècle, lettres mortes pour l'Occident latin. Il ne conçut comme méthode scientifique que celle de la théologie. Il ne connut pas d'autre voie pour arriver à la certitude, il ne comprit pas un autre type de démonstration que celle qui s'appuyait sur l'autorité des textes et l'interprétation traditionnelle. L'enseignement scolastique, qu'il ne faut au reste nullement mépriser, était calculé pour habituer les élèves à la discussion orale. Il les écartait de la recherche solitaire de la vérité et de l'exposition scientifique des doctrines théoriques. L'habitude de soutenir le pour et le contre trempait sérieusement les esprits et donnait aux meilleurs une largeur de vue incontestable, mais elle ne leur permettait guère de se plier à la rigueur des mathématiques, et pour la physique, elle aboutissait en réalité à un probabilisme plus ou moins déguisé. Les connaissances scientifiques pratiques étaient passablement développées et suffisaient aux besoins d'une civilisation déjà très complexe. Mais même dans les universités, elles n'étaient enseignées que sous la qualification d'arts libéraux, et elles ne méritaient guère une autre désignation. La science proprement dite n'existe donc pas encore au Moyen-Âge. Nous allons mieux le faire comprendre en passant rapidement en revue les diverses branches qui, à partir du XVIe siècle, allaient se développer si rapidement. Arithmétique et calcul. L'usage des chiffres arabes était devenu général, mais quoiqu'il ne manquât pas de livres pour enseigner la pratique des opérations avec ces chiffres, en réalité, on ne calculait guère, comme aujourd'hui, la plume à la main. On se servait de jetons sur les lignes du banc des argentiers, par exemple, et on s'habituait à les manier de façon à effectuer rapidement par ce procédé des calculs relativement complexes. Les anciens n'avaient pas laissé, en dehors des livres arithmétiques d'Euclide, qui étaient négligés au Moyen-Âge, de modèles de démonstration pour cette branche de la science. On se servit comme ouvrage classique de l'introduction arithmétique de Boès, traduite librement du grec de Nicomaque, et où les preuves font défaut. Elles manquent également dans les traités d'algorithmes, calculs avec les chiffres, transposés ou imités de l'arabe. On n'y trouve pas davantage de méthodes d'exposition rigoureuses pour la solution des problèmes du premier et du second degré, c'est-à-dire pour l'algèbre rudimentaire de cette époque. La théorie de l'arithmétique n'apparaissait donc nullement au Moyen-Âge comme une science déductive. C'était une suite de propositions faciles à vérifier a posteriori, ou simplement fondée sur une induction insuffisante, mais dans l'étude desquelles la mémoire jouait en tout cas un plus grand rôle que le raisonnement. Il en était de même pour la solution des problèmes, toujours numériques. On avait une collection de règles valant chacune pour un type particulier. On ne soupçonnait pas l'intérêt des méthodes générales. La faculté d'invention n'était pas mise en éveil. Il pouvait donc y avoir au Moyen-Âge nombre de calculateurs exercés capable même de résoudre en se jouant, à l'aide d'artifices, aujourd'hui négligés, des problèmes plus ou moins compliqués. Ils avaient l'habitude de s'éprouver réciproquement, et les tenants de ces joutes arithmétiques trouvaient au moins en Italie un public pour s'intéresser à leur lutte. mais pour s'élever à un niveau supérieur, pour réaliser quelques progrès véritables, il fallait un rare génie. On peut citer au début du XIIIe siècle Léonard de Pise, mais précisément il dépassait trop ses contemporains pour former école, et ses travaux ne commencèrent à exercer une réelle influence que quand ils furent recueillis et amoindris dans la Summa de Luca Paciolo, imprimée à Venise en 1494. De même, on a mis en lumière récemment des écrits mathématiques très intéressants où l'on trouve, par exemple, les premières ébauches de la notation des exposants, l'Algorithmus Proportionum du Normand Nicole Oresme, 1323-1382, le Tripartie en la science des nombres du Parisien Nicolas Chuquet, écrit à Lyon en 1484. Si ces ouvrages témoignent chez leurs auteurs de singulières aptitudes pour les mathématiques, ils ne purent historiquement déterminer un mouvement scientifique de quelque importance. Cependant, depuis le commencement du XIIIe siècle, on soupçonne une lente évolution, obéissant à deux courants distincts qui finissent par se réunir. L'un est celui de l'enseignement universitaire que domine la tradition établie par Jordanus Nemorarius, probablement identique au Jordanus de Saxe, qui fut le second général de l'ordre des Dominicains. L'autre, moins bien connu, se transmet surtout oralement chez les négociants italiens et se rapproche ainsi de Léonard de Pise. En somme, l'arithmétique n'est pas cultivée pour elle-même. On l'apprend dans un but exclusivement pratique, soit pour les usages communs de la vie, soit pour les besoins d'une profession déterminée. Géométrie. Il en est de même pour la géométrie, et cette branche de la science est restée à un niveau encore moins élevé. À la vérité, Euclide a été traduit de l'arabe par Atelard de Bath au XIIe siècle, par Campanus de Novare à la fin du XIIIe. Mais une singulière erreur produite au sujet de ces traductions et qui a longtemps persisté permet de se rendre compte de l'idée tout à fait fausse que l'on se faisait de la science à cette époque. Il paraît avoir existé des traductions plus ou moins complètes d'Euclide, faites en latin sur le grec au temps de l'Empire romain. Boès, en tout cas, doit en avoir donné une. Mais dès la décadence des études, l'usage s'introduisit de réduire l'enseignement de la géométrie à l'énoncé des propositions euclidiennes, en supprimant purement et simplement les démonstrations. Il en résulta que quand celles-ci reparurent dans les versions postérieures, on les prit pour des additions étrangères aux véritables textes d'Euclide, pour des commentaires dus soit à Théon d'Alexandrie, soit aux Arabes. Ainsi, la géométrie est conçue comme un ensemble de propositions avancées autrefois par un très subtil philosophe et dont il s'agissait d'apprendre par cœur le plus possible. Les démonstrations n'étaient qu'un accessoire dont à la rigueur on pouvait se passer. Il n'est pas étonnant dès lors qu'on ait peine à trouver dans tout le Moyen-Âge une démonstration originale convenablement établie et que, quand il s'agit de géométrie, les hommes les plus instruits, les remueurs d'idées neuves les plus avancés, un Nicolas de Cuès, Cusanus, par exemple, 1401-1464, commettent les paralogismes les plus grossiers à propos de la quadrature du cercle, etc. De même, Léonard de Vinci sera encore incapable de distinguer entre les constructions rigoureuses de polygones réguliers et les procédés approximatifs employés par les praticiens. Ainsi, à dire vrai, la géométrie théorique n'existe pas plus au Moyen-Âge qu'elle existait chez les Égyptiens et les Babyloniens avant les travaux des Grecs. La géométrie pratique s'est au contraire enrichie de nombreux procédés que les maîtres des œuvres ont appliqués dans les admirables monuments élevés par eux. D'autre part, elle a successivement, par la diffusion de plus en plus grande des énoncés euclidiens, éliminé les formules inexactes d'arpentage qui avaient passé pêle-mêle avec les vrais dans les débris des écrits des agrimenseurs romains, ces débris de bonne heure réunis dans un corpus, les grammatici veteres, aussi importants au point de vue juridique qu'au point de vue technique, ont joué un rôle considérable dans la transmission des connaissances géométriques de l'Antiquité au Moyen-Âge. Quoique Euclide fût lu, partiellement au moins, dans les universités, c'est en fait par la tradition des pratiques d'arpentage et par celle des procédés de construction que se perpétua vraiment la géométrie jusqu'à l'époque où furent traduites les œuvres d'Archimède et d'Apollonius au XVIe siècle seulement. Astronomie. Tandis que la géométrie est singulièrement négligée parce qu'elle est moins communément utile que l'arithmétique et qu'elle n'est pas davantage cultivée pour elle-même, l'astronomie est l'objet de sérieuses études et elle progresse incontestablement, surtout au XVe siècle. La raison de ce fait, singulier au premier abord, ne doit pas être méconnue. C'est la fausse science qui sauve la vraie, c'est la croyance à l'astrologie qui détermine cet essor de l'astronomie. Le problème fondamental de l'astrologie est essentiellement d'ordre scientifique. Il s'agit de reconstituer l'état du ciel, la position des étoiles et des planètes pour un moment donné du passé, l'heure de la naissance de la personne dont le sort est à prédire. Lorsque le thème « Genetliac » est ainsi dressé, interviennent toutes les combinaisons imaginaires qui sont le propre de l'astrologie. Mais la valeur des prédictions ainsi obtenues est supposée dépendre de l'exactitude du thème, et il s'agit dès lors de le déterminer avec la plus grande précision possible. Nous concevons plutôt l'astronomie comme ayant pour but la prévision des phénomènes célestes dans l'avenir. Il n'en est pas moins clair que le problème astrologique, tel que nous venons de le définir, demande absolument les mêmes connaissances. Propagée dans les pays hellènes, aussitôt après les conquêtes d'Alexandre, admise par les écoles philosophiques les plus en vogue, les superstitions astrologiques avaient gagné les maîtres de la science. Ptolémée en est imbu et leur consacre des ouvrages spéciaux, qui font désormais autorité tout autant que l'Almageste. Le christianisme est impuissant à combattre ces vaines croyances. Elles sont enracinées chez les Byzantins et elles assurent la conservation et l'étude des ouvrages mathématiques. Car si l'astrologie a besoin de l'astronomie, celle-ci à son tour ne peut se passer ni de la géométrie ni de l'arithmétique. Chez les Arabes, la protection accordée aux savants par les califes et les princes de Touran n'a pas d'autre motif. Le but réel, c'est la prédiction de l'avenir par la connaissance des mouvements célestes. Dans l'Occident latin, après la période de barbarie où le Compute Pascal est le suprême desideratum, la même influence agit dans le même sens, mais plus lentement et moins ouvertement, car le terrain est moins favorable et il faut se garantir contre la terrible accusation de sorcellerie à laquelle n'a pas échappé la mémoire de Gerbert. C'est d'ailleurs bien nettement par les Arabes que s'effectue la transmission des connaissances astronomiques. L'astrolabe, instrument inventé par les Grecs et dont l'usage principal est la détermination de l'heure, leur est emprunté dès le XIe siècle. Au XIIe, divers traités arabes et même l'Almageste sont traduits aussitôt qu'Euclide. Au XIIIe, en 1252, paraissent les tables alphonsines rédigées à Tolède par une réunion de savants juifs et maures dont le roi de Castille dirige les travaux. Les astrologues d'Occident ont dès lors pour leurs calculs des éléments aussi exacts que ceux que possèdent leurs confrères orientaux. Vers la même époque, l'anglais Sacrobosco, John of Holyrood, mort en 1256, publie son « Traité de la sphère », qui résume les connaissances géométriques indispensables à l'étude de l'astronomie et devient classique dans les universités. Le XIVe siècle semble marquer un temps d'arrêt. Frédéric II et les derniers Hohenstaufen s'étaient entourés d'astrologues. Peut-être par réaction, la papauté se montre décidément hostile. Des poursuites ont lieu en Italie contre Pietro d'Apono, 1316, et Secco d'Ascoli, 1327. Divers écrits sont publiés contre l'astrologie, entre autres par Oresme. La Renaissance vient de l'Allemagne. Deux hommes de génie, morts tous deux prématurément, Georg des Perbach, près Linz, 1423-1461, et son disciple, Radiomontanus Johann Müller de Königsberg, près Cobourg, 1436-1476, entreprirent à la fois la réforme de l'astronomie par de nouvelles observations, celle des procédés de calcul par l'invention de nouvelles méthodes, enfin la refonte des traductions de Ptolémée en remontant aux sources grecques. Le premier, astronome du roi Ladislas de Hongrie, puis professeur à l'université de Vienne, laissa une théorique des planètes qui fut adoptée dans l'enseignement. Il commença à jeter les fondements de la trigonométrie moderne, œuvre qu'acheva le second, en retrouvant des méthodes déjà inventées par les Arabes, mais encore inconnues en Occident. D'autre part, Peuerbach était entré en relation avec Bézarion pour préparer l'édition de Ptolémée. Ce fut un précieux protecteur pour Gieromontanus, qui, grâce à lui, put venir en Italie, apprendre le grec, étudier les manuscrits réunis par le cardinal et traduire de nombreux textes mathématiques. Après s'être un moment attaché à Matthias Corvin, l'astronome allemand se fixa en 1471 à Nuremberg, où un riche bourgeois, Bernhard Walther, lui fournit les moyens d'observer les astres et d'imprimer les écrits de Peuerbach et les siens. Il avait à peine commencé ses publications que le pape Sixte IV l'appelait à Rome pour travailler à la réforme du calendrier julien. Regiomontanus y mourut de la peste, ou, suivant une légende douteuse, empoisonné par les fils de Georges de Trébizonde, qui l'avaient violemment attaqué à propos de sa traduction de l'Almageste. Ces manuscrits, conservés par Walther, furent en partie imprimés par Schoner au commencement du XVIe siècle. De son temps et dans la période qui suit sa mort, on peut citer quelques autres noms d'astronomes en Allemagne et en Italie. On n'en trouve point en France ni en Angleterre. En considérant les travaux accomplis par Peuerbach et Regiomontanus, on ne peut s'empêcher de saluer en eux les précurseurs de Tycho Brahe et de Kepler et de leur attribuer un véritable génie scientifique. À cet égard, ils sont, au XVe siècle, tout à fait hors de pair. Mais le succès immédiat de leurs écrits et l'influence qu'ils ont exercée ne peuvent certainement s'expliquer que par l'intérêt puissant qui s'attachait alors à l'astrologie. Jusqu'en plein XVIIe siècle, si les astronomes trouvent un gagne-pain, des protecteurs plus ou moins puissants, un public qui achète leurs livres, c'est qu'on croit indispensable d'acquérir la connaissance des phénomènes célestes pour prévoir les événements futurs. Sans cette illusion générale, Peuerbach et Regiomontanus, précisément à cause de leur supériorité, seraient restés isolés et sans action réelle sur leur siècle. Physique. La connaissance de la nature au Moyen Âge est encore plus éloignée de la science positive que ne le sont les mathématiques. Ce que l'on sait ou croit savoir découle de deux sources. D'une part, les spéculations antiques sur la matière et ses modes. Aristote règne désormais dans les écoles. C'est à ces doctrines, sous la forme que leur ont imprimée les commentateurs grecs et arabes, que l'on demande l'explication de toutes les questions sur la nature, au lieu de les étudier en elles-mêmes et de chercher à préciser les lois auxquelles obéissent les phénomènes. D'un autre côté, l'ensemble des faits déjà recueillis par les anciens s'est grossi de nombreuses données pratiques ou considérées comme telles et passé de la tradition orale dans les livres où elles ont été admises sans critique et sans vérification et auxquelles on croit dès lors plus ou moins aveuglément. Les oiseuses discussions des problèmes d'Aristote s'étendent alors à nombre de faits mal observés, partant absolument faux, à une foule encore plus grande de superstitions grossières et purement fantastiques. Ainsi, par exemple, au commencement du XVIIe siècle, dans ses premières recherches sur la chute des corps, Galilée admettra encore comme constant, sur la foi des auteurs arabes, que dans le premier moment les corps légers tombent plus vite que les lourds, et il en donnera une explication. Ou bien encore, dans son livre des balances, le grand alchimiste arabe, Jaber, qui est au reste un péripatéticien décidé, posera une cinquantaine de questions du genre de celle-ci. Pourquoi un nuage ne donne-t-il pas de pluie, fait qui est certain, quand une femme sort nue et tourne son visage du côté de ce nuage? La science, si on peut lui donner ce nom, est donc essentiellement livresque. On n'a aucune idée des conditions dans lesquelles doit être faite une expérience, contrôlée, une assertion positive. Une encyclopédie comme le quadruple miroir de Vincent de Beauvais, mort en 1265, peut témoigner d'une immense érudition et sur nombre des points d'un scepticisme bien justifié. Elle ne peut éviter dans les doctrines et dans les faits une singulière incohérence dont l'on ne sortira qu'en proclamant l'existence dans les objets naturels de qualités occultes que la magie sait mettre en œuvre. Il ne faudrait pas toutefois estimer que le vice capital du temps fut l'absurde crédulité dont tant de traces se montrent chez les penseurs les plus éminents. Dans l'état d'esprit d'alors, la foi complète n'existe que pour les choses de religion. À tout le reste, on ne croit qu'assez mal. La facilité de mettre au moins en doute nombre d'assertions courantes entraîne une incertitude qui rejaillit presque sur les vérités de fait les plus incontestables. D'autre part, le joug intellectuel de la scolastique est en réalité assez léger et permet, en dehors du dogme, une très grande liberté de pensée. La discussion est admise sur tous les points et un esprit exercé aux luttes de l'école n'est pas embarrassé pour appeler Aristote à l'appui soit de la thèse, soit de l'antithèse. Ce qui est interdit, en fait, c'est de prétendre établir dans les choses de la nature une certitude de doctrine qui pourrait faire ombrage aux défenseurs de la vérité révélée. Voilà pourquoi le cardinal Nicolas de Cuès put parler librement de l'hypothèse du mouvement de la Terre bien avant Copernic. Pourquoi Galilée, encore étudiant, put l'entendre discuter par ses maîtres de Pise sans aucune allusion au danger d'hérésie ? Pourquoi, au contraire, il fut poursuivi dès qu'il la soutint en langue vulgaire et en faisant appel à l'évidence rationnelle ? Fin de la section 21.